On va parler de hockey mineur. Le tournoi Bantam de Saint-Félicien revient en force cette année et ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Je pensais qu'il avait fait un retour, mais finalement, il n'a jamais parti. On va parler avec le président de l'organisation, Serge Ouellette. Salut Serge. Salut Dan, ça Hey va? Serge, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Fait que je pensais que tu étais. C'était, je pensais qu'à quelque part, tu étais parti, mais non, tu n'étais pas parti. Mais non, on a préparé la relève. Fait que là, il y a une grosse équipe derrière l'organisation. Il y a eu quelques changements. Il y a quelques-uns qui ont quitté pour des raisons toutes nobles, bien sûr. Alors, on a renouvelé l'équipe. L'équipe, je peux te dire, on a travaillé fort les 4 dernières semaines. Ben, c'est clair. Parce que là, vous montez du COVID, là, c'est. Chapeau, ça doit pas être facile de remonter ça après ça, là. Après ce qui s'est passé. Ben non, puis je te dirais que cette année, on a eu des embûches assez particulières. Écoute, on s'est ramassé au début de l'année avec notre tournoi était complètement absent sur le site d'Hockey Québec. Après 42 ans, là, notre tournoi était pas long. On se demandait pourquoi. Puis on s'est aperçu que le tournoi de l'Abbé avait nos dates. Donc, là, il y avait un conflit de dates. En tout cas, on a essayé de régler ça du mieux qu'on pouvait. Avec Hockey Sénéac-Saint-Jean, on n'était pas tellement contents. Donc, il a fallu changer de date. Il a fallu. Fait Mais qu'on, c'était-tu la date on a... initiale, c'était-tu le mois de mars? C'était-tu, ben Non, c'est. non. La date initiale, c'était la dernière semaine de janvier. Fait que dans le fond, c'est un mal pour un bien. Ça a été un mal pour un bien. Écoute, c'était un mal pour un bien. Puis cette année, on a 4 catégories scolaires. On a du Benjamin, Division 1, Division 2. Puis on a du cadet, division 1, division 2 aussi. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de tournois. Fait que, t'sais, tout le monde, entre guillemets, là, sont rués vers nous autres. Ça a été super. Puis, je peux te dire qu'Alexandre Gertin et Nadia, ils ont travaillé très, très fort pour avoir des équipes, là, T'as-tu pour été dur à trouver réussir. dans cet site? T'as-tu été dur avec Ben, le COVID? Ouais. ça a été difficile un petit peu au début. Parce que tu sais, les gens étaient inscrits un peu partout. Puis on a réussi avec la collaboration de Simon Godreau des Aigles de Roberval de rejoindre certaines équipes scolaires. Donc ça nous a permis d'avoir un très gros tournoi. Écoute, on a 43 équipes. Hey, monsieur. Pour nous, là, c'est majeur. Avant, on jouait sur 2 arénas. Cette année, on est obligé de jouer sur 3 arénas. Qui sont Saint-Félicien, La Dorée, puis Mastouillage? Non, ils sont Saint-Félicien, Mastouillage puis Roberval. Ah, ok. Donc. Donc, il va y avoir environ 40 parties, 41 parties à Saint-Félicien, puis une vingtaine de parties à Roberval et à Mastouillage. Ah, c'est Toutes plus. les finales vont avoir lieu, la finale des 8 catégories vont avoir lieu à Saint-Félicien. Ok. C'est une très, très, très, très grosse année pour nous. Écoute, au niveau des commanditaires, là, une année absolument généreuse, Ça n'a pas là, paru trop. Ben, quelque part, il n'y a pas trop d'événements non plus dans le secteur. Fait que ça, Mais c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, on est arrivé, écoute, autour du 28 février, je te dirais, ben, peut-être le 21, le 22, je me souviens pas. Mais le mardi soir, on avait une rencontre, puis on décidait si on avait un tournoi ou pas. Vingt-huit Et semaines, Monsieur Legault, j'avais 28. Monsieur Legault, le midi, dans sa conférence de presse, nous disait que c'était la reprise des activités là, et des tournois une semaine avant notre date. Fait que nous, on s'est mis à fond là-dedans, puis tout le monde travaille fort. C'est-à-dire qu'il y a eu du travail qui a été fait là, depuis les 2, 3 dernières semaines. Là. On a une équipe assez extraordinaire. Ah, Et on a des anciens qui viennent nous aider, donc c'est vraiment super cette année. ben c'est fun. Tant mieux, tant mieux. Donc, du côté du recrutement bénévole, ça n'a pas été dit que tu as parlé d'Alex et Nadia. Donc, j'imagine, ça a-tu été dur à recruter? Tu as dit qu'il y a des anciens qui viennent nous aider, mais c'est pas. Ils viennent nous aider probablement durant le tournoi, mais pour la préparation, tout ça, ça a-t-il été dur? Ou bien, le fait Ah d'être une non, organisation non. d'expérience aussi, ça doit aider, là, quand même. Ben, on est une. Il y a beaucoup de gens d'expérience, puis on a recruté du monde. Dans le comité, on est une douzaine, puis on s'est greffé plein de bénévoles autour de nous, là. Fait que je peux te OK. dire qu'on va avoir entre 30 et 40 bénévoles un peu partout dans les trois arénas, là. Donc, c'est pas bête. Puis notre mission, ben, t'sais, c'était de redonner le hockey aux jeunes. Puis en plus, ben, on va avoir 2 jours où on va devoir respecter des règles sanitaires, parce que les règles sanitaires de le carnet vaccinal devait tomber le 14. Finalement, le Le 12, gouvernement ouais. a mis ça le 12. Fait que, t'sais, jeudi, vendredi, mais le passeport vaccinal est obligatoire pour rentrer dans l'aréna. Mais samedi, dimanche, non. Alors, déjà là, C'est ça va déjà nous enlever les un peu de meilleures travail. affaires. Oui, par contre, ben, il y a quand même des règles sanitaires à suivre. On n'a plus de limite de personnes dans les arénas, mais les masques sont encore obligatoires. Ça, Bon, c'est bien OK. important. Et on va les faire suivre, les règles sanitaires aussi. Ben, dis-moi, si on parlait des équipes, 43 équipes, donc 43 équipes, ça vient de où? Ça vient de partout. Il y en a de la Côte-Nord, il y en a de l'Abitibi, il y en a de la région de Montréal, il y en a de Québec, il y en a de Ah, c'est Vanipine, bon. il y en a, il y en a vraiment de partout. Les équipes scolaires vont. Le tournoi commence officiellement jeudi après-midi, vers 15 h, avec l'arrivée des divisions, des Benjamin Division 1, Division 2 et des Cadets Division 1, Division 2. Le hockey civil va plus commencer le vendredi. C'est dans les trois arénas, là, ça n'arrête pas jusqu'à dimanche. C'est vraiment excellent. Donc 43 équipes, c'est beaucoup, beaucoup d'équipes. C'est le fun parce que normalement c'était dur à recruter, mais ça devenait de plus en plus dur à recruter pour les équipes de Saint-Félicien. Les tournois du Ben, haut du lac, là. Je sais qu'à Dolbeau, ça a été très dur aussi, là. oui, c'était difficile. Et puis, tu sais, des équipes locales, là, on n'en a pas beaucoup. On n'a aucune équipe de Delbeau. Ah, OK. On n'a aucune. Il n'y a pas beaucoup d'équipes d'Alma. On a quelques équipes du Saguenay. On a les équipes scolaires de Roberval. Mais après ça, le reste, ça vient tout de l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé pour que. On n'a pas de match durant la semaine. On a des matchs à partir du jeudi. Puis, on demande aux équipes, à certaines équipes d'arriver le jeudi, puis d'autres le vendredi. Ouais, On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. OK. Donc, on Puis, on a rappelle. refusé avec. Avec la pandémie, ben, on a refusé beaucoup d'équipes, là. T'sais, quand on su qu'on avait le tournoi, ben, on a refusé peut-être entre 25 et 30 équipes. Ouais, c'est bon. Oui, oui, oui, oui. Est-ce que c'est quelque chose que l'année prochaine, vous voulez-tu revenir à votre date ou ben non, c'est très dur, planifier de quoi, Marc Bain, là, de nos jours, là. Mais mettons, dans Écoute. un monde idéal, est-ce qu'on voudrait revenir à cette date-là ou bien le 7 mars, dans le fond, ça fait votre bonheur? Ben, à l'origine, le tournoi, à C'est l'époque, ça janvier. s'appelait le tournoi de l'Arec, à l'époque. Ouais. Okay? Le blin des années, parce que c'est la 41e édition. Donc, dans les premières éditions, le tournoi était en mars. Pour des raisons qui ont été avant que j'arrive, là, moi, je suis là d'à peu près depuis la 20e édition environ, ben, le tournoi était en janvier. A été transféré en janvier. Donc, tu sais, ce qui nous situe, tu as le tournoi de Jonquière, Peewee de Jonquière. Nous, on est le tournoi Peewee Bantam. Donc, tu as le tournoi de Jonquière, tu as notre tournoi, tu as le tournoi Peewee Bantam de la Baie, puis tu as le tournoi Bantam de Saint-Bruno qui est sur 2 fins de semaine également. Ouais. Fait que, tout le monde joue dans les mêmes équipes, tout le monde joue dans. Fait que, tu sais, il y a une problématique de tournoi. Maintenant, il y a encore beaucoup de tournois. Puis il y a une problématique aussi au niveau du hockey. Les jeunes le hockey civil, Ouais. il y a moins d'équipes. Le hockey scolaire est en plein essor. Donc, tu sais, il y a des problématiques à ce niveau-là. Donc, pour la date, écoute, je peux pas te dire oui tout de suite ou non. C'est sûr que pour nous, ça a été positif. Est-ce que ça va rester Mais comme c'est ça? contextuel aussi que j'étais positif parce qu'il n'y a pas eu d'équipe, il n'y a pas eu de tournoi, là. Fait que vous autres, dans le fond, de mémoire, je pense que vous étiez un des seuls tournois dans la région aussi. Ben, on est deux tournois provinciaux. On est quelques tournois provinciaux dans la région. Il y a le tournoi Pee-Wee-Jonquière qui est provincial. Le tournoi L'Abbé est interrégional, Pee-Wee, mais Ouais, il est mais provincial, Bantam. cette année, Mais c'est. cette Ouais. année, il y a peut-être eu le tournoi de Mistassini avant les fêtes, Ouais. peut-être. Puis après ça, peut-être un ou deux autres tournois là, qui a eu lieu là. Mais sinon, pas plus que ça, là, dans la région. Mais tu sais, oui, ça a été positif. Est-ce qu'on va garder la même date? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir la même ferveur l'an prochain? Je ne sais pas non plus. Mais je pense que pour nous, ça va être stratégique de peut-être garder effectivement la même date. C'est sûr, mais ça va dépendre aussi de l'année, là. Mais tu sais, c'est parce que si on fait les années, encore une fois, tu sais, mars de même, à quelque part, si on parle des autres années, mars, on s'en va pas mal vers des déconfinements. Donc ça va être peut-être stratégique au moins de l'essayer à cette date-là, encore une fois, au moins un an avant. Ben oui, puis tu sais, même si on retourne pas en confinement, c'est souvent en mars, c'est les fêtes de saison, c'est le début des séries aussi qui s'approche. Est-ce qu'on fait un tournoi avant les séries? Il y a toute cette question-là. Tu sais, parce qu'il y a quand même le tournoi à Saint-Ambroise qui est durant la semaine de relâche, puis qui est quand même assez populaire. Il y a quand même beaucoup d'équipes, fait que on verra. On verra, l'avenir va nous le dire. OK. Serge, on s'en parle la semaine prochaine pour faire le bilan de tout ça. Parfait. Serge On Ouellette fera un bilan. qui nous parlait du tournoi Bantam.